Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 9 novembre 2016. Voici les grandes articulations de cette édition. Les élèves du centre de formation professionnelle de Kigobé en mairie de Bujumbura ont vu ce matin leurs inscriptions annulées après un arrêt de cours observé hier. Les 23 restaurants et bars ne respectant pas les règles d'hygiène sont déjà fermés provisoirement depuis le début de cette semaine dans la ville de Rumonge. L'administrateur de la commune de Rumonge précise qu'il s'agit d'une campagne de prévention contre le choléra dans cette commune qui a enregistré 35 cas de cette maladie en un mois. À la une de l'actualité internationale, c'est l'élection surprise du républicain populiste Donald Trump sans aucune expérience politique. Un séisme politique sans précédent qui devrait servir de leçon au Burundi, selon Léon Soungendakoumana, vice-président du parti Sawanya Frodebo. Dans ce journal, vous saurez aussi qui est cet homme appelé à devenir le successeur de Barack Obama. Et dans le reportage de ce mercredi, nous irons en province Kayanza à l'école primaire de Kirema qui manque de bancs et de manuels scolaires avec des effectifs très élevés d'élèves. Voilà pour le sommaire. Bonjour. Un homme de 70 ans a été sérieusement battu par un groupe d'hommes munis de gourdins, l'accusant de sorcellerie. Cela s'est passé la nuit dernière sur la transversale 1 de la colline Nyamitanga, en zone Ndava de la commune Buganda. C'est dans la province de Chibitoke. La victime de cette agression, Tarsis Nyandui, est pour le moment sous la protection de la police au cachot d'Ndava. L'administrateur communal et les autorités policières indiquent qu'il s'agit d'une mesure prise pour éviter que la population se fasse justice. Les inscriptions des élèves du centre de formation professionnelle de Kigobé à Bujumbura viennent d'être annulées. Cyril Ebizimana, directeur de cet établissement, explique que cette décision est consécutive à l'arrêt des cours observé hier. Les apprenants, quant à eux, disent ne pas reconnaître cette sanction parce qu'ils avaient suspendu les cours pour exprimer leurs revendications. Les détails avec Alida Ndaïkez. En arrivant à ce centre, les élèves ont trouvé le portail fermé. Et pour y entrer, le directeur faisait un appel, comme cela est dit par une des élèves. Nous sommes restés à l'extérieur jusqu'à 10 heures. Notre directeur a commencé à nous terroriser. On nous disait que parmi nous, il y a des promoteurs, mais on ne peut pas accepter cela car nous avons tous le même problème. Il a appelé certains des élèves par classe. Il a voulu nous séparer, mais nous sommes restés solidaires car nous avons tous le même problème. Depuis la matinée de ce mardi, ces apprenants ont refusé de joindre les classes, ce qui a poussé la direction à suspendre toutes les inscriptions à ce centre, comme l'indique Cyril Wizimana, directeur de cet établissement. Ce qu'on a constaté, les apprenants ont arrêté les cours sans au moins avertir l'administration. Et l'école a décidé de suspendre les inscriptions totalement. Ces élèves ne reconnaissent pas la suspension de leur inscription. Pour eux, la solution serait de donner suite à leur demande. C'est vrai que la direction a la compétence de prendre des décisions, mais le directeur est en train de nous intimider. Il est incompréhensible de procéder à la nouvelle inscription alors qu'il y a ceux qui sont presque à la fin de l'année. Cela est pratiquement impossible. Est-ce qu'ils commenceront à la première année ou au niveau actuel? Que le directeur cesse ses intimidations et soumette la question au ministère de tutelle pour que la question soit résolue. Dire qu'il va commencer les inscriptions, alors que nous sommes nous tous unis. Le directeur de ce centre de formation fait savoir que les inscriptions commenceront du lundi au 16 novembre pour tout élève qui le souhaiterait. Le maire de la ville de Bujumbura a annoncé le début de ce mercredi des travaux de réhabilitation des canalisations des eaux usées provenant des égouts au quartier Bouiza, en commune Mukaza. Sur les 7e et 8e avenues, cela fait des semaines que les habitants de ce quartier alertent sur le risque d'attraper des maladies des mains sales à cause justement de ces saletés qui envahissent leurs habitations. Dans ce journal également, nous allons passer à l'actualité internationale pour parler de la une de ce journal. En parlant de l'élection de Donald Trump, qui a été élu comme président des États-Unis d'Amérique pour une législature de 4 ans. Lors de son discours de victoire, il a affirmé qu'il sera le président de tous les Américains. Et il a également assuré de travailler avec tous les pays qui y seraient disposés afin de privilégier le partenariat plutôt que le conflit. Suivez le président Donald Trump, traduit par Didier Nyonzima. Thank you. Thank you very much. At the same time. Et dans le même temps, nous nous entendrons bien avec le reste du monde, avec tous les pays du monde qui sont prêts à s'entendre avec nous. Nous aurons d'excellentes relations. Aucun rêve n'est trop grand, aucun défi n'est trop grand. Rien de ce que nous espérons pour notre avenir n'est hors de portée. Et l'Amérique ne se satisfera de rien, moins que ce qu'il y a de mieux. Nous voulons reprendre à main le destin de notre pays, être grand, audacieux et courageux. Il faut rêver grand pour notre pays. Nous allons construire des choses magnifiques, redonner la réussite à notre pays une fois de plus. Je tiens à dire à la communauté mondiale que même si les intérêts des États-Unis viendront toujours en premier, nous négocierons et converserons de façon équitable avec tout le monde, tous les peuples, toutes les nations du monde. Nous chercherons des terrains d'entente, pas d'hostilité dans nos partenariats, pas de conflit. Et justement, à propos de l'élection présidentielle de Donald Trump aux États-Unis, le secrétaire général du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye, dit que ça devrait donner une leçon aux Burundais pour accepter courageusement les élections comme telles. Je félicite le nouveau président démocratiquement élu parce que le peuple américain a placé confiance à lui. Je tiens aussi à féliciter le perdant parce que la compétition, la démocratie, c'est cela. C'est d'abord accepter la victoire et la défaite. Les élections qui viennent de se passer aux États-Unis nous donnent une leçon où le vainqueur et le vaincu restent des citoyens d'un même pays. À voir comment les perdants ont accueilli les résultats des élections, ça nous donne aussi un bon exemple que les Burundais devraient suivre. Avoir à cœur que si vous perdez les élections, vous ne perdez pas la citoyenneté. Vous restez ensemble pour développer le pays. Et donc, l'événement heureux qui vient de se passer aux États-Unis nous réconforte parce que nous pensons que ça sera aussi une occasion aux nouveaux dirigeants de voir la situation réelle de notre pays. Et comme ça, quand ils sauront la situation objectif, ça sera aussi une opportunité pour renforcer la coopération entre le Burundi et les États-Unis. Donc, c'est un signe d'espoir pour nous tous et j'inviterai tous les Burundais à prendre cet exemple comme une leçon du futur pour le Burundi. Le secrétaire général du parti CNDD, FDD, Evariste Ndayishimiye, et le vice-président du parti Savonia Frodebou, sont fiers de la culture des Américains sur le respect des élections. C'est au moment où le successeur de Barack Obama est connu et que sa rivale a accepté la défaite. Léonce Ngendakumana, même s'il ne soutient pas le nouveau président américain, du moins sur certains points qu'il a évoqués lors de la campagne électorale, estime que les Burundais devraient tirer une leçon de ces élections, lesquelles, selon lui, ont été bien organisées. Lorsqu'on prépare bien les élections et qu'on les organise conformément aux lois et règlements en vigueur, ça ne cause aucun problème. La deuxième leçon, c'est que on peut gagner les élections sans pour autant avoir nécessairement un bon programme, une bonne politique. Pour preuve, nous avons suivi la campagne de Trump. En tout cas, en ce qui concerne le continent africain, il était très clair, ce continent, selon lui, doit être recolonisé parce qu'il estimait que, ce continent est dirigé par des irresponsables. J'ai entendu son discours aussi en direction des musulmans ou en direction des afro-américains. Ce n'est pas un discours qui était très favorable. Je pense qu'ils ont fait un équilibre pour voter, mais pour nous les Africains, nous considérons qu'une partie de son programme n'était pas du tout rassurant. La troisième leçon qu'on peut tirer, c'est que finalement, les élections conduisent à des institutions qui ne reflètent pas forcément les aspirations de tout un peuple. On peut le voir même pour ces vieilles démocraties. Il y a des mécanismes auxquels on fait pour la régulation. Ça peut servir de leçon, notamment la mouvance et l'opposition doivent comprendre les résultats des urnes de la même manière. Absolument. C'est une grande leçon. Mais la condition préalable, vous l'avez, je l'ai déjà dit, c'est que c'est la préparation et l'organisation de ces élections se basent sur les textes en vigueur, les lois, les règlements, les conventions internationales, les conventions nationales et internationales. Il faut que la logique du respect de ces instruments soit bien intériorisée par ceux qui compétitionnent. Voilà, c'était Léonce Ngendakoumana qui réagissait à l'élection de Donald Trump présidentielle américaine. Donc Donald Trump, qui est élu président des États-Unis, est un milliardaire qui a construit son empire dans l'immobilier. Nous reviendrons sur certaines de ses réalisations dans notre édition de la soirée. Il s'observe ces derniers jours une augmentation des prix des denrées de première nécessité. Les commerçants disent que cette flambée des prix est liée au changement climatique et a occasionné une faible récolte. À cela s'ajoute la rareté des devises pour importer certains produits. Notre reporter Gilda Serouberingawo a visité le marché dit chez Sion, à Mairie de Bujumbura. Voici son constat. Au marché appelé communément chez Sion que nous avons visité ce mercredi, les prix des aliments de base et de grande nécessité par la population burundaise ont augmenté sauf les denrées comme l'huile de palme qui connaît une diminution de 500 francs bout, c'est-à-dire la grande bouteille de Kinju qu'on achetait à 3000 francs, aujourd'hui s'achète à 2500 francs. Parmi ces denrées alimentaires qui ont vu la hausse des prix, il y a le riz appelé Umuzambia qui était à 1200. Aujourd'hui, il est à 1600 francs. Le riz appelé Umutanzania qui était à 1800 s'achète maintenant à 2000 francs. Le haricot appelé haricot jaune s'achète à 1650 alors qu'avant il était à 1450. Kirundo aujourd'hui s'achète à 1200 francs mais avant il était à 850 francs tandis que le haricot appelé Muhoro s'achète 1600 alors qu'avant il était à 1400. Signalons que ces prix des haricots et du riz sont des prix de vente. En ce moment alors, les clients achètent des haricots qui sont à moindre coût et même ceux qui avaient des moyens qui achetaient le haricot jaune, aujourd'hui ils achètent le haricot appelé Muhoro car les deux ont presque le même goût. Et les pommes de terre appelées Kijumbu qui s'achetaient à 800, maintenant il est à 950. Ceux appelés Ibirundi sont à 950 francs, mais avant on pouvait les acheter à 700 francs. Ruhengeri quant à lui connaît un prix constant jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il est resté au prix de 1100 francs. La banane quant à elle, les commerçants qui la vendaient à 5000 francs, aujourd'hui l'achètent à 6000 francs. Voire même 6500 francs. Ces commerçants demandent à ce que le gouvernement fasse le tout possible pour que les devises leur soient accessibles et de revoir d'autres cultures pour combler la carence de récolte due au changement climatique. Je vous l'avais dit, 23 restaurants et bars ne respectant pas les règles d'hygiène sont déjà fermés provisoirement depuis le début de cette semaine dans la ville de Rumonge. L'administrateur de la commune de Rumonge, Célestin Litanga, précise qu'il s'agit d'une opération visant à éradiquer le choléra dans cette commune qui a enregistré 35 cas de cette maladie en l'espace d'un mois. Correspondance de Jean-Pierre Misago depuis Rumonge. L'état des latrines, la disponibilité de l'eau potable pour permettre le lavage des mains au savon à la sortie de ces latrines, l'eau de lavage des ustensiles de cuisine, de la propreté des employés et de leurs habits, ainsi que l'autorisation d'exercer ont en grande partie guidé la fermeture provisoire de ces 23 restaurants et bars qui ne les respectaient pas dans les quartiers Birimba, Swahili et Iteba dans la ville de Rumonge. Cette fermeture provisoire concerne au total 47 bars et restaurants avertis deux fois et qui n'ont rien changé, selon Célestin Nitanga, administrateur communal de Rumonge. De son côté, Charles Bikolimana, chargé de l'hygiène en commune Rumonge, dit que les concernés reconnaissent la faute et s'attellent à se conformer à la loi. Une commission mise sur pied à cette fin réexaminera ensuite le cas et se prononcera si oui ou non le demandeur peut de nouveau exercer. Selon l'administrateur communal de Rumonge, cette campagne vise l'éradication du choléra en commune Rumonge qui a déjà enregistré 35 cas depuis que cette maladie s'est déclarée à Minago le 9 octobre dernier. Dans ce cadre, la régie des eaux a ouvert 28 robinets publics qui étaient exploités par des privés dans la ville de Rumonge depuis ce mardi. Et la facture de toute la période qu'il faudra pour éradiquer le choléra dans la ville de Rumonge et dans ses environs sera supportée par le gouvernement burundais, selon le responsable de la régie des eaux à Rumonge. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. À la source, reportage. Je l'avais annoncé en titre, le reportage d'aujourd'hui nous conduit à l'école primaire de Kirema, en commune et province Kayanza. Cette école connaît un effectif élevé d'élèves et écoliers jusqu'à ce que 4 élèves partagent un seul banc pupitre dans certaines classes. Le même établissement manque de manuels aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. La direction indique qu'elle utilise le minerval des élèves pour acheter des livres, mais ce minerval reste insuffisant pour couvrir toutes les dépenses. Aubin Niyonguru. Je suis 10, Ire, nous sommes, vous êtes. Je serai, tu seras, nous serons, vous serez. Nous sommes à l'école fondamentale de Kirema, située au centre-ville de Kayanza. L'effectif d'élèves affectés sur cet établissement s'élève à plus de 2000. Sur cette école, le manque de manuels, aussi bien pour les élèves et enseignants, fait parler de lui. Ce manque de livres se manifeste beaucoup plus dans les classes de 7e à la 9e année, ainsi que dans l'enseignement post-fondamental dans la section d'agriculture. Ceux-ci sont les élèves de la 6e année. Ils font une petite pause avant de passer une interrogation. Il nous récite quelques conjugaisons. Vous serez, il ou elle sera. Démange, tu as mangé, il a mangé. Nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. Celle-ci est le délégué de la 7e année A. Jizia, il a causé, dit qu'il y a un manque de manuels dans cette classe. Pour les livres dont il dispose, il les partage avec ceux de la 7e année B. Outre le manque de manuels, les enseignants relèvent aussi un manque d'infrastructures. La classe de 9e année compte plus de 90 élèves. Au moment de la passation des interrogations, cet enseignant indique qu'il scinde en deux les élèves pour éviter les tricheries. Pour faire passer les examens, on a obligé de scinder en deux l'effectif des élèves parce que c'est un effectif. Et qui est formé beaucoup d'élèves. On doit descendre en deux afin d'éviter des tricheries éventuelles. Les manuels que nous avons, surtout en 7e, nous avons des classes, alors qu'on nous a donné des manuels qui n'ont pas encore été renouvelés. Alors, il y a ceux qui ont déjà au lisage, donc nous avons un problème sérieux du manque de manuels. Et surtout d'équipements également, comme des bancs pupitres et encore des infrastructures, parce que nous avons des élèves, un effectif d'élèves très élevé, alors qu'on n'a pas encore fait l'extension de l'établissement. Le directeur de cette école reconnaît tous ces problèmes. Pour certains handicaps, Martin Dimoumahoro dit qu'il s'arrange pour trouver les solutions. Quoi qu'il en soit, il fait savoir que cette école s'est distinguée dans cette province de Kayanza pour le concours de la 9e année avec un taux de réussite de 66%. Voilà, c'était le reportage de Aubin Niyonguru de retour de Kayanza. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous voudrez bien nous excuser pour les quelques ratés dans ce journal. Et j'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Les élèves du centre de formation professionnelle de Kigobe à Mairie de Bujumbura ont vu ce matin leurs inscriptions suspendues et pas annulées, comme je le disais, après un arrêt de cours observé hier. Les 23 restaurants et bars ne respectant pas les règles d'hygiène sont déjà fermés provisoirement depuis le début de cette semaine dans la ville de Rumonge. L'administrateur de cette commune de Rumonge précise qu'il s'agit d'une campagne de prévention contre le choléra dans cette commune qui a enregistré 35 cas de cette maladie en un mois. Et à la une de l'actualité internationale, vous l'avez suivi, c'est l'élection surprise du républicain populiste Donald Trump. sans aucune expérience politique. Un séisme politique sans précédent qui devrait servir de leçon au Burundi, selon Léon Sengendakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebu. Dans ce journal également, vous avez suivi le reportage qui nous a conduit en Provence Kayanza, à l'école fondamentale de Kirema, qui manque de bancs et de manuels scolaires avec des effectifs très élevés d'élèves et d'écoliers. Merci à Séraphine Kizimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Nous vous souhaitons de passer un bon après-midi.